danger potentiel, comme un cocktail d'arsenic. Elle est Miss Univers dans son centre, et le monde autour d'elle comme un nombril sur son ventre. Elle sait que c'est elle la perle. Elle sait que c'est elle la perle. Fluctuation de son biorhythme, telle une théorie réfractaire, s'installe en une danse comme un rite, dans tous mes sens et dans ma chair. Possédé, je suis damné, oh mon âme condamnée, je suis prisonnier, retenu contre ma volonté, personne ne va m'aider, car je veux m'enfoncer. Ce rêve artificiel de bonheur chimique, le danger potentiel, comme un cocktail d'arsenic. Elle est Miss Univers dans son centre, et le monde autour d'elle comme un empire sur son ventre. Elle sait que c'est elle la perle. Elle sait que c'est elle la perle. Je suis envahi, je me sens colonisé. Je n'ai pas de répit, mais je ne veux pas décrocher de ce rêve artificiel de bonheur chimique, le danger potentiel, comme un cocktail d'arsenic. Elle est Miss Univers dans son centre, et le monde autour d'elle comme un ombre. Elle sait que c'est elle la paix.